طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نعيد الحديث الذي مر بنا أمس. Donc on va répéter vite fait le hadith qu'on a pris hier dans Sahih Muslim. Qui était un hadith de Abu Ayyub al-Ansari. Radiallahu anhu. Anna, qala, anna a'rabiyan عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. Donc un bédouin s'est présenté au prophète عليه الصلاة والسلام pendant que le prophète عليه الصلاة والسلام était en voyage, et il a pris par et il a attrapé, c'est-à-dire les rênes de la chamelle du prophète عليه الصلاة والسلام pour retenir le prophète عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني عن النار. Ensuite il a dit ô Mohammed, informe-moi de ce qui me rapproche du paradis et de ce qui m'éloigne du feu de l'enfer. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم s'est arrêté. Et ensuite, il a observé ses compagnons. ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. Donc ensuite, après le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit certes, il a trouvé la réussite ou certes, il a été guidé. قال كيف قلت. Et ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui dit qu'est-ce que tu as dit. قال فأعاد. Et donc, le bédouin de reprendre le même discours qui est l'a prononcé. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم de lui dire tu adores Allah sans rien lui associer. وتقيم الصلاة et tu accomplis la prière. وتؤتي الزكاة et tu t'acquittes de l'aumône. وتصل الرحم et tu lis les liens de parenté. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande de ou qu'il lâche sa chamelle. Naam. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى ابن طلحة يحدث عن أبي أيوب عليه رحمة الله أو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. Donc, l'imam muslim a rapporté cette chaîne de transmission en guise de mutaba'a ou de shahad. Mutaba'a, naam. Naam. Mouchir al-Utaymin zakara kalaman li al-imam al-Nawawi faqala qala al-Nawawi alayhi rahmatullah hakadha huwa fi jami'i al-usul في الطريق الأول. Donc là, l'imam al-Nawawi, il va attirer l'attention sur une erreur qui est apparue dans le deuxième sanad qu'a évoqué l'imam muslim. قال نعم وهكذا في جميع الأصول في الطريق الأول. عمرو بن يحيى وفي الثاني محمد بن عثمان. Et donc ça c'est une erreur qui est survenue dans toutes les nusakh de Muslim, dans tous les manuscrits de Sahih Muslim, on va trouver la même erreur. Fi jami' al-usul. Jami' al-usul fi at-tariq al-awwal. Donc le premier hadith qu'on a cité, il provient de la chaîne de transmission de Amr ibn Uthman. طيب, et le deuxième, c'est Muhammad ibn Uthman. واتفقوا على ان الثاني وهم وغلط من شعبه. Et donc les gens du hadith, ils sont unanimes pour dire que le deuxième sanad, c'est une erreur de Shu'ba. المهم هذه الفائده يعني على الطريق ولا هناك ما هو اهم. طيب وللفائده هذه بقيه لكن هذا يكفي. طيب ثم قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء. ما معنى حاء؟ تحويل السند. أيوة تحويل السند. نعم تحويل السند, أحسنت. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال وأبو بكر ابن أبي شيبة من هو؟ تعرفونه؟ أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب أي كتاب؟ هو مشهور له كتاب في الأحاديث مصنف ابن أبي شيبة المصنف, هذا كتابه. نعم هو إمام مشهور, إمام مشهور ابن أبي شيبة. نعم طيب قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يديني من الجنة, أي يقربني من الجنة, يديني من الجنة ويباعدني عن النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. وهذا الحديث نظير ما تقدم. Ce hadith, il ressemble à ce qui a précédé, comme quoi un homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de quelle était l'œuvre qui le rapprocherait du paradis et l'éloignerait de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est que tu adores Allah sans rien lui associer, et que tu accomplis sa salat, et que tu t'acquittes de la zakat, et que tu lis ton lien de parenté. Et lorsque cet homme est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, s'il s'accroche à cette affaire, il rentrera au paradis. Naam. قال الشيخ العثيمين وهذا الحديث مشابه لما قبله وفيه من الفوائد. Et donc ce hadith, الشيخ العثيمين dit qu'il ressemble à au hadith précédent. Il dit, et parmi les فوائد de ce hadith, حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأعرابي أمسك بزمام الناقة حتى أوقفها. Donc on prend de ce hadith et des hadiths aussi qui précèdent, comme quoi on voit le bon comportement du prophète عليه الصلاة والسلام lorsque ce bédouin l'a arrêté, c'est-à-dire le prophète عليه الصلاة والسلام il est en train d'avancer avec sa chamelle, et le bédouin, il arrive et il bloque la chamelle. C'est-à-dire, il attrape la chamelle par ses rênes et il la bloque. Et comme vous savez, c'est de la nature de l'Arabe. أنهم ذو من ذوي الشدة والغلظة. نعم. فهذا الأعرابي أمسك بزمام الناقة حتى أوقفها وجعل يسأل هذا السؤال وهو يقول يا رسول الله أو يا محمد. دوك نعم. وليس هذا بغريب على الأعرابي أن يقول يا محمد، لأنه أجدر أن لا يعلم حدود الله، أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، وإلا فقد قال الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم. دونك شيخ العثيمين يدي كم كوا ماذا نعم. دونك ce bédouin il a bloqué le prophète sallam par en attrapant les rênes de sa chamelle, et ensuite il lui a posé cette question. Et ensuite il a dit ô messager d'Allah ou ô Muhammad. Et en vérité, Cheikh Al-Uthaymeen dit, ceci n'est pas étrange venant d'un bédouin qu'il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il ait fait descendre l'interdiction qu'on interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on s'interpelle entre nous. Naam. Tayyib. ثم شيخ العثيمين يلسبيك لفرسي دو سورة النور كي كنا بريسيدامون سيتي يعني لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا باسمه ولكن نادوه بوصفه يا نبي الله يا رسول الله أو ما أشبه ذلك وهذا أحد المعنيين في الآية الكريمة. دونك شيخ العثيمين يديك لفرسي يسينيفي que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit qu'on appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'on l'interpelle par son nom comme on peut s'interpeller les uns les autres. Naam. Mais au contraire il nous demande de l'appeler par son wasf, par sa caractéristique, soit on dit ô Nabi Allah ou ô Rasulullah. Tayyib. وبعض العلماء يقولون ان يعني le fait que au temps du prophète sallallahu alayhi wasallam on puisse appeler le prophète Mohammed, ça n'a rien à voir avec le mauvais comportement. C'est quoi le dalil que on peut appeler que au temps du prophète sallallahu alayhi wasallam on pouvait l'appeler Mohammed sans que ce soit relatif au mauvais comportement. Ahsant ya Omar. Ahsant hadith Jibril. Jibril ja wa qala ya Muhammad akhbirni 'an al-islam. Fa sammahu bi ismihi. Wa la'allaha anna hadha qabla an-nahy, qabla an-nahy aw ma ashbah dhalik. Na'am. Et il se peut que ce hadith, le hadith de Jibril, il soit venu avant l'interdiction qui est descendue dans ce verset. Taïb. Al-fa'idatu thaniya. Qala. Wa fi hadha al-hadith ziyadatu silatun ou ziyadatu silatir rahim. Et dans ce hadith, on prend, il y a un rajout. C'est-à-dire, le prophète Sassam, il rajoute dans ce hadith-là le fait de lier les liens de parenté. Naam. Wa ar-rahim hum al-qaraba wa kullu man kana aqrab. Donc le rahim c'est les proches. Et toute personne proche, yani plus la personne est proche de toi, plus le fait de maintenir le lien est obligatoire. Plus la personne est proche de toi, plus le fait de maintenir le lien est obligatoire. طيب ولكن الى اي حد تصل القرابه. Donc الان il y a une question qui se pose, c'est-à-dire c'est jusqu'à quand ou jusqu'à quelle est la limite dans laquelle on va chercher à préserver les liens de parenté. C'est-à-dire, quand je dis la limite, parce que, comme vous savez, on remonte tous à Adam. Si on a tlaqa al-qawl, ben on doit tous faire les liens de parenté entre nous. صح ولا لا طيب الى اي حد سي jusqu'à où que ça remonte à partir d'où يعني on dit vraiment que à partir de là tous ceux qui sont de cette lignée tu dois œuvrer pour lier les liens de parenté. Combien t'as dit? Arrière? Attends. Arrière? Arrière grand-père. Il y a arrière, arrière grand-père, c'est-à-dire. Ça veut dire, attends. Là, ton père, elle jette. Encore. Encore? En fait, jusqu'au moment où il s'arrêtait à un petit peu de la salle. Oh, Ada Tawil. Ada Tawil. Ada Tawil, je te donne. Hein? Trois générations. قريب قريب قال نعم قال قال الفقهاء يعني شيخ العثيمين يقول قال الفقهاء رحمهم الله في كتاب الوقف إن القرابة من يجمعك وإياهم الجد الرابع و le quatrième grand père. Le quatrième arrière-grand-père, on va dire. سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. هكذا قالوا. ولكن لا شك أن من فوقه إذا كان بينكم وبينهم صلة ومعرفة لا شك أنه لا ينبغي أن تدعهم. يعني ce qui est au-dessus du quatrième grand-père, arrière-grand-père, si toi t'es sûr que c'est un proche, que c'est un parent ou quoi, et il n'est pas permis que tu laisses les liens de parenté avec lui. Parce que, justement, tu as entendu que les fuqaha, ils ont dit que c'est à partir du quatrième arrière-grand-père. Vous voyez. Vous voyez. Voilà que ça fait. Bien, d'accord, c'est le frère musulman.